Le sionneur. Parole d'honneur. Parole de qui? Parole de moi. Ok, le binôme, ok. Ça fait. Yo! Ma rage augmente comme le tarot des clopes. Vas-y, écoute, c'est de mon cœur que ces paroles vraies sortent. Ouais, tous les soirs, je me mets à freestyler. Mitrailler des rimes sur des prods qui donnent envie de chialer. Dans un milieu où peut se serrer les coudes, se lèche les couilles pour des feats. Moi, je préfère encore que ça ne perd mes coudes. La délivrance quand mes écrits glissent. Comment garder les joues étanches avec un ciel si gris? 22 ans, je décompresse plus dans mes crocodiles qui flairent. Je me dis que j'aurais jamais dû exister comme les propos d'Hitler. Je lâche pas des rimes pour le style, j'ai une prestance sincère. J'ai trouvé le rap indispensable comme la présence d'un père. À la maison, c'était pas Auschwitz. Et moi aussi, je dirai un jour à mes enfants que je suis pas Rothschild. On dit de moi, c'est une grande gueule vu les quenelles qui tendent. Je m'arrêterai pas, je vais tout donner comme en deuxième mi-temps. Vas-y, que c'est mon sang, je pratique, c'est constant. La mise est consciente, j'ai grave niqué mon temps. J'agite mon sang, mental de bélier. J'suis pas si mécontent, ma langue va se délier. Vas-y que c'est mon sang, j'pratique, c'est constant. La mise est consciente, j'ai grave niqué mon temps. J'agite et fonçant, mental de bélier. J'suis pas si mécontent, ma langue va se délier. Alors on peut dire vrai, j'oublie tout comme un vieux distrait. Entre moi et le rap, y'a un creux qui se crée. J'fais pas du son pour qu'on me kiffe ou pour carotte vend meuf. C'est pas des 16 mesures mais des paroles d'honneur. J'ai pas grandi comme un petit mec trop sage. Fidèle sonar prend son ticket de chômage. Faut émerger mais sans gilet de sauvetage. J'ai pas le temps de faire des hits de fou. Une prod un joint et je nique le tout. J'écris ça, j'suis assis au quartier vieux. Ouais ce sont ça un peu, j'raconte ma vie au papier d'eux. J'rappe toujours avec l'accent de Liège. J'te parle de réalité, moi j'suis pas marchand de rêve. Capuché j'marche. Pour évacuer le mal, j'fais que me fracturer le crâne. Quant à l'avenir, mystère et boule de gomme. Une vie de pirate sur mon navire, misère et goutte de rhum. Vas-y que c'est mon sang, j'pratique, c'est constant. La mise est consciente, j'ai grave niqué mon temps. J'agite et fonçant, mental de bélier. J'suis pas si mécontent, ma langue va se délier. Vas-y que c'est mon sang, j'pratique, c'est constant. La mise est consciente, j'ai grave niqué mon temps. J'agite et fonçant, mental de bélier. J'suis pas si mécontent, ma langue va se délier.